Bah là, je suis en train de couper du marmol pour faire une tarte marmol. Alors, 3 œufs, on met la crème fraîche, ensuite du râpé, on mélange, on met le maroilles, on met dans la tarte et on enfourne à 180 degrés pendant un quart d'heure. Ouais, qui vient du nord, quand même. Le maroilles, ouais. Maroilles, ouais, c'est du nord. On ne dirait pas les traditions, ouais. On ne dirait pas les traditions de la région, quoi. C'est tout. Là, je mets de la crème fraîche dans la pâte pour la quiche au maroilles. Alors, il faut 150 g de farine, 85 g de sucre, un œuf, 85 g de beurre et 100 g de pépites. Et un sachet de levure. Et après, bah, il faut mélanger à la main et faire des petits ronds. Et mettre sur une plaque. Et après, il faut faire chauffer à 180 degrés. Laissez-moi. Allez, mange. Allez, mange. Mais tu restes à ton manger. Je veux pas, mais il y a tout. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, Thomas, il est trop beau le mien, regarde, il est là. Moi j'en avais un. Ah lui, non, lui, attention, attention Thomas. C'est lui, je reconnais. Ça c'est le mien, lui. Non, ça c'est le mien. Non, si, si, je reconnais. Non, c'est le mien. Je suis sûr à 1000% que c'est le mien, parce que regarde, il y a mes trois mains. C'est le mien, je te dis. Regarde, c'est le mien, il est tellement cuit, avec mes traces de...